Le 22 avril 2013, je vous présentais la découverte d'une supernova qui était trop brillante et les soupçons qui pesaient sur elle. Une équipe d'astrophysiciens du Kavli Institute, menée par Robert Kimby, ne croyait pas aux conclusions de l'autre équipe qui annonçait la découverte d'une nouvelle classe de supernova, une supernova superlumineuse. Ils avaient pu montrer que la supernova en question avait toutes les caractéristiques d'une supernova de type 1A, mais sa lumière semblait comme amplifiée par le phénomène de l'antigravitationnel. Sauf qu'il n'était pas parvenu à voir quoi que ce soit comme source de déviation gravitationnelle. Et depuis un an, Robert Kimby et ses collègues se sont accrochés à leur explication et ont fouillé la zone de la supernova une fois cette dernière éteinte. Et voilà qu'ils viennent de publier leurs résultats dans Science cette semaine. Il y a bien une grosse galaxie dans la ligne de visée, exactement devant la galaxie hôte de la supernova. Et c'est bien elle qui est à l'origine d'une très forte amplification de la lumière de la supernova PS110AFX. Et oui, un facteur 30 hein, tout de même. C'est en septembre 2013 que Kimby et ses collègues ont utilisé le Keck télescope de 10 mètres situé à Hawaï durant 7 heures d'observation continue de la zone de la supernova. Et ils ont finalement trouvé dans le halo lumineux de la galaxie lointaine, où eut lieu l'explosion de l'étoile, cette seconde galaxie, beaucoup plus près de nous, en superposition, et beaucoup moins lumineuse bien sûr. Et donc, mais dont la taille est cohérente pour expliquer l'amplification de l'antigravitationnel observé. L'implication de cette mise en évidence est importante, car cela signifie que de nombreuses supernovae, et surtout les plus lointaines, sont amplifiées par l'antigravitationnel, et peuvent tout de même être reconnues comme telles, et donc toujours être exploitées efficacement comme chandelles cosmiques. Les supernovae 1A ont toutes la même luminosité intrinsèque. Leur luminosité apparente ne dépend donc que de leur distance, ce qui leur donne ce caractère de chandelle, d'étalon. Les astrophysiciens majoritairement japonais de l'équipe estiment par exemple que le nombre de supernovae amplifiées de ce type, qui devrait être détecté par leur méthode, doit augmenter d'un facteur 10. Et il y a même encore mieux. Dans le cas où la lentille gravitationnelle produit un dédoublement de l'image de la supernova plutôt qu'une amplification, l'étude fine des distributions spectrales et temporelles des différentes images de la même supernova doit pouvoir fournir des informations directes sur le taux d'expansion de l'univers à l'époque de la supernova. Une belle prouesse issue d'un bel entêtement. On retrouve cet article cette semaine dans Science, intitulé Detection of the Gravitational Lens Magnifying a Type 1A Supernova par Robert Kimby et al.